Eh bien, monsieur, les idées que vous qualifiez par le mot régence ne sont donc plus de mise à une époque où l'on accepte les hommes pour leurs valeurs personnelles. Et c'est ce que vous avez fait en mariant votre fille à mon fils. Vous ne savez pas comment s'est conclu ce mariage, s'écria Crevel. Ah, maudite vie de garçon! Sans mes déportements, ma Célestine serait aujourd'hui la vicomtesse Popinot. Mais encore une fois, ne récriminons pas sur des faits accomplis, reprit énergiquement la baronne. Parlons du sujet de plainte que me donne votre étrange conduite. Ma fille Hortense a pu se marier. Le mariage dépendait entièrement de vous. J'ai cru à des sentiments généreux chez vous. J'ai pensé que vous auriez rendu justice à une femme qui n'a jamais eu dans le cœur d'autre image que celle de son mari, que vous auriez reconnu la nécessité pour elle de ne pas recevoir un homme capable de la compromettre, et que vous seriez empressé, par honneur pour la famille à laquelle vous êtes allié, de favoriser l'établissement d'Hortense avec monsieur le conseiller Lebas. Et vous, monsieur, vous avez fait manquer ce mariage. Madame, répondit l'ancien parfumeur, j'ai agi en honnête homme. On est venu me demander si les 200 000 francs de dot attribués à mademoiselle Hortense seraient payés. J'ai répondu textuellement ceci. Je ne le garantirai pas. Mon gendre, à qui la famille Hulot a constitué cette somme en dot, avait des dettes, et je crois que si monsieur Hulot d'Hervy mourait demain, sa veuve serait sans pain. Voilà, belle dame,